Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Délivrez-nous, le podcast qui parle des livres et nous. C'est et Dido. Des chats. Et non, non, non, je t'ai déjà dit qu'on se débarrassait du problème des chats, bibiche. C'est Dino au micro. Bonjour Dino. Bonjour Dino. Et c'est Bibiche au micro. Bonjour Bibiche. Bonjour Bibiche. Comment est-ce que ça va, Bibiche? Ah, ça va très bien. Est-ce que je voulais faire un truc avec Bibiche, mais c'était nul. Oui, il y a un des chats qui est tout à fait d'accord avec toi qui grogne. Non, alors, est-ce qu'on peut se mettre d'accord? Là, c'est une émission importante. Les autres thèmes étaient un petit peu légers. Là, c'est un thème grave. D'accord. D'accord. Le prochain thème sera aussi léger. Il y a un des fils de tes écouteurs qui est coincé dans ta barbe. C'est très drôle. C'est pas vrai, c'est pas ma barbe. Je l'ai emprunté à un voisin. Je préfère du pas. Coup, est-ce qu'on pourrait éviter de parler des chats? Parce que même le sujet de l'émission d'accord. d'aujourd'hui est très... D'accord, on parlera pas de chats. Alors Bibiche, nous sommes le 30 mai 2021 pour nos auditeurs. Ouais, et pour nous aussi. Et pour nous, on est le 30 mai. Oui. Pour nos auditeurs, c'est pas forcément le 30 mai. Oui, bah, c'est la date qu'ils veulent, on s'en fiche. Ça voilà. Dépend du jour où ils l'écoutent. Mais on rappelle quand même à nos auditeurs que nous sommes le 30 mai. Et qu'on parle du livre du mois de mai. Sache que si jamais il y a des nouvelles qui sont intervenues dans l'univers Star Wars... Et pourquoi tu parles de Star Wars? Parce que c'est le thème du mois. Ah oui, c'est vrai. Est-ce qu'on peut changer d'épouse? remplaçante? Je savais que j'aurais dû prendre une remplaçante. C'est fait. Alors, Fab. Oui. Recadrons un peu cette émission après cet extrait que j'ai coupé. Oui. Parce que j'étais pas fier de moi. Le thème de ce mois-ci, c'est-à-dire le mois de mai, c'était... Un roman de l'univers Star Wars. Parce que rappelons le concept de l'émission. On lit des livres et on en parle. Merci, femme. C'est ça, en fait. On lit des livres et on en parle. Oui. Après, sur un thème imposé différent chaque mois. C'est vrai. Alors, univers Star Wars, du coup, tu as ton livre. Oui. J'ai mon livre. Oui. On rappelle le petit processus de début d'émission. On s'échange nos livres. Voilà, je te donne mon livre. Et tout ça pour qu'on se le rende après, c'est complètement con. Mais... Je suis en train d'embarquer le micro avec. Oui, tu feras attention, tu as ton fil qui est dans ta moustache. C'est vrai que je me suis pas rasé ce matin. Et comme on a fini la dernière émission très longue avec moi, on commence l'émission très longue avec moi. C'est bien. Tu penses qu'on aura vraiment une émission très longue? On aura beaucoup de choses à dire? Je ne sais pas. Tout est possible. D'accord. Donc du coup, on commence par toi. Donc le livre que tu viens de me donner parle de l'univers Star Wars. Ouais, j'ai bien choisi. et commence par « Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, sur la couverture ». Donc ne faisons pas de suspense. Ce roman, c'est Tarkin. Certains disent Tarkin. Bon, c'est parce qu'ils ont fini. Mais ils ont fini dans les geôles de l'Empire. Donc, c'est un roman qui va sans doute nous parler de Tarkin, du personnage. Donc, évidemment, on n'a pas besoin de dire que c'est des romans de poche, hein, collection pocket de l'univers Star Wars. Je pense qu'en France, c'est eux les distributeurs officiels de la collection Star Wars. Je suis pas sûr qu'il y ait des éditions pas poche. Je suis pas sûr qu'il y en ait non plus. Si vous êtes des éditions Papoche qui... Tout qu'on lance la maison d'édition Papoche. C'est des livres... Ce serait un bon slogan. Nous, c'est la maison d'édition Papoche. Il faut une brouette. Non mais, on a dit qu'on parlait pas de vous. On s'est arrangé exprès pour faire ça au milieu de l'après-midi pour que vous ayez pas faim. Et toi, tu te mets à faire la folle à cette heure-là. Excusez-nous. Failli se vautrer en montant sur l'arbre. Mais tout à l'heure, elle est montée, elle s'est cognée la tête. J'ai cru qu'il allait décéder. Elle a mis les pattes sur l'étagère et elle avait les pattes arrière qui pédalaient dans le vide. Donc ton livre, c'est Tarkin. Merci pour ta concentration. Et donc, quand je regarde la quatrième de couverture, je vois que ça va se passer en l'an 14 avant Yavin. Oui, la fameuse bataille de Yavin. Qui est le point, l'année numéro 1 de la chronologie Star Wars. C'est ça. Ce qui est un peu ridicule. Mais c'est la grande bataille de la fin de Star Wars, Un Nouvel Espoir. Oui. Rappelons l'épisode 4, même si c'est le premier de la trilogie. Ouais, non, commençons pas à parler de tout ça, parce que ça devient compliqué. Mais c'est pas possible. Elle est sous mon fauteuil. Donc, ça se passe 14 ans avant les événements, 13-14 ans avant les événements de Star Wars, Un Nouvel Espoir, qui est le premier film de la trilogie. Oui. Alors, première... Je sens que c'est dur, bébiche, aujourd'hui. Oui, un peu. ma première question, c'est j'ai envie de te demander pourquoi tu as choisi celui-là. Parce que je suppose que... On a tous les deux regardé le nombre de livres qu'il y avait dans la collection Star Wars. Il y en a à peu près 3000. Donc, le plus difficile, ça a été de faire un choix sur lequel on va lire. Donc, c'est intéressant de savoir pourquoi on a choisi le livre qu'on a choisi. C'est tellement... ce que je dis, c'est... Pff. Alors, pourquoi as-tu choisi Tarkin ? Pourquoi j'ai choisi Tarkin ? Parce que dans l'univers Star Wars, Tarkin incarne un personnage et un aspect qui est peu exploré. À mon sens, en tout cas. Qui en même temps, il y a beaucoup de personnages dans Star Wars. Oui, mais celui-là, il est marquant parce que... D'ailleurs, c'est intéressant, tu n'as pas décrit la couverture, mais la couverture, ah, en fait, oui, c'est... Oui, c'est vrai. Alors, la couverture, alors, mis à part le fait qu'il y a marqué Star Wars en gros et que ça prend à peu près un tiers de la couverture, on voit le visage de Tarkin. Oui, tout à fait. Le bas du visage, parce qu'on ne voit pas ses cheveux, on voit à partir du Il n'a pas beaucoup de cheveux, Tarkin. Bon, il a bien dû en avoir à un moment. On voit à partir du milieu du front son visage. Et par derrière, en fond, on voit le masque de Dark Vador, je pense. Oui, c'est effectivement Dark Vador. Et c'est juste ça, en fait, l'image de couverture. C'est un roman très noir, hein, parce que même la tranche est noire, la quatrième de couverture est très noire, et on le voit qui est derrière... Enfin, devant je pense que c'est dans... Non, c'est pas dans l'étoile noire, parce qu'on voit l'étoile noire par derrière. Oui, effectivement, on voit l'étoile noire, c'est dans un vaisseau. C'est dans un vaisseau, peut-être, qui s'approche de l'étoile noire, et il est devant peut-être il est sur la passerelle de commandement, et il s'approche, et on voit l'étoile noire. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que la couverture, tout en noir comme ça, t'amène à attendre un livre plutôt noir. Sombre. Tu t'attends à avoir un livre plutôt sombre. Ce qui n'est pas nécessairement. Mais du coup, ce qui est intéressant dans cette couverture, c'est que c'est les deux personnages qui sont dessus, c'est les deux, en dehors de l'Empereur dans Star Wars, c'est les deux figures principales de l'Empire. On connaît tous Dark Vador. Dark Vador, c'est un seigneur Sith. Moi, ce que je trouvais intéressant et ce que j'ai toujours trouvé dommage dans la série Star Wars, ce qui fait d'ailleurs que j'aime bien la première trilogie, c'est que... La prélogie, tu veux dire, ou la trilogie ? La prélogie. On va se mettre d'accord. Prélogie, trilogie, postlogie. Ok, d'accord, ça marche. Dans la trilogie originale, on se concentre uniquement sur Dark Vador, sur Luke, sur Mais la même Force, sur etc. la prélogie, en fait, on est... Dans la prélogie, on s'intéresse aussi un peu au contexte politique, économique, à la République. Et ce qui fait que moi, je suis plutôt rentré dans l'univers Star Wars par cette prélogie. Serait-ce que par l'âge. Je veux dire, toi, quand t'allais au cinéma, ça a été la période où c'était la prélogie qui est sortie. J'étais ado au moment toi, tu n'as pas pu voir la première trilogie au cinéma. Canal, j'en ai qu'un vague souvenir. Bah, c'est pareil. Enfin, même moi, si je les ai pas vus, je pense qu'à part la dernière, la postlogie, j'en ai vu aucun au cinéma. Oui. Et j'ai grandi avec l'univers de Star Wars. Oui, c'est ta génération. Oui, je suis vieille. Salut. Mais moi, ce que je trouve qui me manquait et que je percevais, c'est l'Empire. Qu'est-ce que c'est que l'Empire ? Comment c'est gouverné ? Et le fonctionnement. Fonctionnement. Et ce personnage de Tarkin qui est intéressant. Notamment, j'étais marqué par cette scène, je crois que c'est dans le premier, cette scène de où on est dans une salle de réunion, où il y a Dark Vador, où il y a des... ce qu'on pense être des généraux. Des militaires. On se demande en fait quelle est la place de Dark Vador là-dedans. Et même du coup, par rapport à l'Empereur, est-ce que Dark Vador c'est une espèce de vice-empereur et du coup il a une autorité sur les autres, ou est-ce que c'est juste l'apprenti, ce qui dans les cas c'est vrai, c'est juste l'apprenti, et dans les faits derrière t'as tout le réseau de l'Empire. Si je me souviens bien, j'avais l'impression que les militaires étaient pas très... ils obéissaient à Dark Vador parce qu'ils n'avaient pas le choix, mais que c'était pas leur chef. C'est très bien décrit dans ce livre-là. Tu as peut-être une citation, du coup. Non, je ne suis pas une citation en l'occurrence, mais il y a un moment donné où ils doivent prendre le vaisseau de Tarkin, qui s'appelle le Pic de la Charogne. Le quoi ? Le Pic de la Charogne. Le Pic ? Le Pic. J'avais compris le Picte. Non. Non, pas le Pict. Ça sera le 21 juillet au cinéma, Kaamelott. le Pict de la Charogne. C'est sympa comme nom de vaisseau. Le Pict de la Charogne, qui est donc le vaisseau de Tarkin. Ils doivent prendre ce vaisseau pour aller sur une planète. Je raconterai l'histoire un peu après. Mais du coup, Tarkin, il va monter à bord de son vaisseau avec Vador. Et lui-même se dit, mais je ne sais pas en fait qui est-ce qui commande. C'est mon vaisseau, mais quand même Vador et l'apprenti. C'est le sous-empereur. Il représente l'empereur. Et c'est moi ce que je trouvais intéressant, c'est que j'ai toujours senti que il y avait cet empire dont on ne sait finalement pas trop grand chose dans les films, auquel on s'intéresse pas grandement. Et pourtant, malgré tout, sans l'empire, c'est très con comme phrase, il y a pas d'empereur. Oui, effectivement. C'est cette espèce de structure. Et donc, c'est pour ça que je suis allé vers ce livre-là. C'était de me dire... Le personnage t'intéressait et l'univers qui était autour de lui aussi. Pas tant le personnage que véritablement les fondations de l'Empire. Je savais un peu comment se goupillait la République. Je savais comment la République s'est cassée la gueule. Mais après, l'Empire, comment s'est structuré, comment s'est imposé l'Empire, mine de rien, en 20 ans. Parce qu'il se passe 20 ans entre la première et la deuxième trilogie. Voilà tout ce qui se passe et ce que je me disais, voilà, peut-être que dans Tarkin j'aurai ces éléments de réponse. Tu auras des éléments de réponse. Que ça se passe donc effectivement 14 ans avant la première. Donc finalement c'est beaucoup plus proche de la prélogie que de la trilogie. Oui, c'est ça. C'est faire, peu d'années après. Ça doit faire 5-6 ans que la. On doit être 5-6 ans après. C'est la guerre des. Non, le. Après la revanche des Sith. La revanche des Sith. Je commence à être perdu dans les titres. Il y a trop de titres. Et donc, quelle est l'histoire, tu me demandais. Oui, c'était effectivement, tu as lu dans mon esprit, ma seconde question était, quelle est donc l'histoire du roman? Eh bien, c'est l'histoire de Tarkin. Non, c'est pas vrai. Tout à fait. Ah bah dis donc, j'aurais jamais deviné ça. Alors, Tarkin, il est Moff. Alors, c'est la question que je t'ai posée tout à l'heure, c'est quoi un Moff et un grand Moff? Et je t'ai répondu, on verra dans l'émission. Du coup, je te repose la question, c'est quoi un Moff et un grand Moff? Alors, un Moff... Je suppose que grand Moff, c'est supérieur au Moff, mais comme je ne sais pas non plus ce qu'est un Moff. Alors, un Moff, c'est un meilleur ouvrier de France, donc c'est quelqu'un qui travaille très bien en France. Du coup, il travaille très très bien, il a fait une très belle étoile de la mort. Tout à fait. C'était ça, sa réalisation de meilleur ouvrier de France. Non, un Moff, c'est une espèce de gouverneur d'un secteur. L'Empire est divisé en secteurs, et un Moff, c'est le gouverneur d'un secteur. Et Grand Moff, il a plusieurs secteurs, du coup. C'est d'ailleurs l'un des... Il regroupe plusieurs secteurs. Tarkin est le premier Grand Moff. D'accord. En tout cas, dans l'univers officiel. Mais il n'y a qu'un seul Grand Moff. Je ne sais pas. Parce que tu dis, un Grand Moff, ça regroupe plusieurs... Un Moff, c'est un secteur. Un Grand Moff, plusieurs secteurs. Il pourrait y avoir plusieurs Grand Moff avec plusieurs... Je ne sais pas s'il y a plusieurs Grand Moff en même temps. D'accord. Je pense qu'il n'y en a pas. Je vais avoir l'occasion peut-être d'y revenir. En tout cas, l'histoire, c'est Tarkin qui est donc à ce moment-là dans les films Star Wars, il est grand Moff. D'accord. Mais dans le roman, il est que Moff. Il va passer. C'est un spoiler, attention. Il va devenir grand Moff à la fin. Il est donc responsable du secteur où se situe le sentier de construction de l'étoile de la mort. C'est bien les sentiers de construction. Tout à fait. Donc il est à l'endroit où on est en train de construire. On a vu comment j'ai retiré le mot chantier. On est en train de construire l'étoile de la mort. Déjà moins 14 avant. Rappelons quand même que c'est l'étoile de la mort. C'est pas une petite bicoque, hein, c'est un gros truc. Puis il faut la construire dans l'espace. Mais voilà, c'est-à-dire que les plans ont déjà été dessinés. Là, ils commencent la construction. C'est ça. Ce qui est d'ailleurs l'un des autres intérêts, c'est que dans les films Star Wars, il y a aussi Rogue One qui se déroule juste avant en fait le Star Wars Un Nouvel Espoir, qui raconte l'histoire du vol des plans de l'étoile de la mort et la transmission à Leia qui va finir par les transmettre à R2-D2 et puis après vous connaissez la suite. Sinon, je vous invite à regarder tous les films de Star Wars. Voilà, vous abonnez à Disney+. Mais du coup, il y a quand même un lien en tant qu'histoire qui est aussi intéressant. Mais voilà, il est en charge de ce secteur-là et il va y avoir une attaque alors ce qu'on ne peut pas encore appeler des rebelles, d'un groupe qui va attaquer, je ne sais plus ce qu'ils attaquent d'ailleurs, ils attaquent une planète ou je ne sais plus quoi. Il est rappelé en urgence, donc Tarkin est rappelé en urgence sur Coruscant, donc la planète capitale, entre guillemets, par l'Empereur. Et il est chargé d'une mission avec Dark Vador où il faut aller sur une autre planète qui s'appelle Murkana. Alors j'avoue que je n'ai pas trop compris pourquoi il fallait y aller, mais visiblement il fallait y aller. Mais il y a pas de, enfin, t'as pas l'ordre de mission. Non, j'ai pas l'ordre de mission. Je reviendrai un peu, mais c'est, j'ai eu un peu de mal à comprendre certains trucs. Et donc ils vont, Dark Vador et lui, à bord du vaisseau Le Pic de la Charogne. En se demandant qui c'est qui commande. En se demandant qui c'est qui commande. Sur, mais finalement, c'est pas une question con, parce que c'est un peu comme quand, normalement, le capitaine du vaisseau, il est le capitaine sur son vaisseau, c'est lui qui commande. Mais c'est la question se poserait à partir du moment où tu transportes un personnage qui est plus important que toi sur ton vaisseau. Oui. C'est je dirai l'histoire après, mais c'est l'une des choses qui est avancée, c'est que, et que moi j'ai trouvé, c'est l'une des choses que j'ai trouvé un peu intéressante, même si c'est juste évoqué. Au final, Empire ou République, ça ne change rien pour l'Empereur. C'est-à-dire que il n'y a pas véritablement de hiérarchie, et c'est d'ailleurs ce qui va faire que Tarkin va devenir Grand Moff. C'est-à-dire que l'Empereur... Palpatine devient empereur, il a besoin d'asseoir son pouvoir, il a besoin de contrôler la galaxie pour ensuite pouvoir faire ses petites affaires de Sith. En fait, le plus important pour l'empereur, c'est pas le fait d'être empereur, c'est juste que ça lui permet d'avoir un monde en paix pour faire son business à côté. C'est ça, c'est l'empire, la construction de l'empire, la gestion de l'empire, finalement, c'est juste un moyen d'assurer sa domination. Pour ensuite faire ce qu'il veut à côté. Pour ensuite faire ce qu'il veut avec Dark Vador. Donc, ils sont obligés de se mêler des affaires de l'Empire, mais on finit par comprendre quand même que s'il y avait un mec qui gérait à leur place, qui faisait l'essentiel du sale boulot et qui venait pas trop faire chier l'Empereur quand il est en train de travailler sur ses dossiers de Seigneur Sith, c'est pas plus mal. Donc, En fait, Tarkin, il est cette personne-là qui gère aujourd'hui, il est gouverneur, mais à la fin, effectivement, c'est un homme de confiance de Palpatine. C'est lui qui va gérer, on va dire, le quotidien de l'Empire. C'est lui qui va gérer un méga secteur. Voilà, donc tout le l'Empereur est quand même là et actif. Mais ils vont surtout être là sur des trucs de site, de côté obscur. Et donc, du coup, pour avancer l'histoire, donc ils vont sur cette planète Murkana pour enquêter. On ne sait pas pourquoi. Ils vont pour enquêter, parce que visiblement, il y a un indice. Ils vont pour enquêter avec le fameux vaisseau, le Pic de la Charogne. Et ils se font voler le vaisseau de Tarkin. Oh, c'est con, ça. Qui est un superbe vaisseau, l'un des plus performants de sa génération. Mais il n'avait pas mis d'alarme anti-vol ? Non, il n'avait pas mis son petit cadenas. Il n'avait pas fait pip-pip. C'est con, ça. C'est complètement con. C'est une grosse erreur de sa part. Et donc, du coup, le roman, dans ces deux derniers tiers, est une chasse à l'homme. Pour récupérer son vaisseau. Entre Tarkin et Vador, qui font équipe. C'est un moyen de faire du team building de la part de l'Empereur. Ça se trouve, c'est l'Empereur qui a programmé le vol du vaisseau pour faire que ces deux sous-fifres s'entendent bien ensemble. On peut effectivement travailler ensemble. On peut effectivement se poser la question. Et donc, du coup, les deux derniers tiers du Je m'excuse d'avoir dit sous-fifres. Oui, on te jugera. Tu vois, je serre mes petits doigts. Je vois que ça ne fait aucun effet, mais parce que tu as une minerve, c'est pour ça. Mais normalement, tu devrais décéder de ta personne. Voilà, c'est ça. Je parlais de ton livre, du coup, je ne l'ai pas lu, mais j'ai plein de choses à dire. Je ne vois pas le rapport. Ah oui, parce que je serais mort. Tu es en train de décéder. D'accord, si tu décèdes, je fais comment à la fin de l'émission ? Faut quand même qu'on satisfasse nos auditeurs. Ta mort ne suffira pas, Bibiche. C'est pas une excuse. Non. C'est pas suffisant, zut alors. Les gens ne payent pas. Du coup, faut bien qu'ils aient du service. Donc, ils passent les deux derniers tiers du bouquin à partir à la recherche du vaisseau. Ouais, à essayer de retrouver le vaisseau. Parce que, mine de rien, ce vaisseau pose un problème. C'est que ce vaisseau est donc pris par pas de simples voleurs, mais des gens qui sont un peu en rébellion contre l'Empire. Les futurs rebelles. C'est ça en fait. On n'est pas encore la rébellion n'est pas encore vraiment ce qu'elle est ou ce qu'on peut connaître. Non, ils sont pas encore. C'est les prémices, on va dire. C'est ça. Et alors que eux sont en train de construire l'étoile de la mort, parce que dans l'idée de Tarkin, mais aussi de l'Empereur, l'étoile de la mort, c'est le moyen de. Il y a un extrait d'ailleurs. Je vais te le lire. Mais c'est le moyen, en fait. On n'oubliera pas de lire la première et dernière phrase tout à l'heure. Oui, tout à fait. Tu veux que je le dise tout de suite ? Je ne vais pas lire tout de suite. Ça va me couper. Fais d'abord ton extrait. C'est un moyen pour eux, en fait, d'assurer la domination. Voilà, c'est un extrait où... Alors, on a dans le premier tiers, on parle un peu de la jeunesse de Tarkin. Tarkin, il est issu d'une planète de la bordure extérieure. Comme son nom l'indique, c'est au-delà du périph de l'univers Star Wars. Une planète un peu sauvage, il est issu d'une famille noble, voilà, d'une grande famille, une famille de dirigeants, les Tarkin. Et donc il est emmené à un moment donné par son oncle quand il est adolescent faire. Qui s'appelle Tarkin aussi. Qui s'appelle Tarkin aussi. Heureusement qu'il y a le prénom pour pouvoir le distinguer. Ils ont une espèce. Oui, Willulf. les prénoms sont assez fous. Mais ils ont une espèce d'énorme propriété forestière où ils vont chasser des animaux. Et donc, j'imagine pas du tout ça dans l'univers Star Wars. Ah, c'est non, terrible. Mais c'est ça que je te dis. C'est que le... ils ont une propriété en Sologne, quoi. Tout à fait. Ils vont chasser des animaux que je connais même pas. Et donc, du coup, il fait ça pendant plusieurs années. Et puis, la dernière, c'est une espèce de rite d'initiation. La dernière épreuve, c'est sur le pic de la Charogne. Donc, c'est un lieu géographique sur leur planète. D'accord. Le pic de la Charogne. C'est pour ça qu'il a appelé son vaisseau. C'est ça. Qui est un lieu de test, voilà, où la plupart des Tarkin sont morts. Plus de 50 Tarkin sont morts, mais Tarkin, lui, n'est pas mort puisqu'il est vivant. ça, c'est une merveilleuse phrase. Et donc, Tarkin du coup... n'est pas mort puisqu'il est vivant. Et donc, du coup, là, on est dans un extrait où il est avec Tonton en train de faire de la chasse. Et Tonton lui dit « Tu dois établir ta suprématie comme nous te l'avons montré en concentrant toutes tes forces dont tu disposes en un seul point et frapper de tout ton poids comme tu le ferais avec une vibro-lame, transpercer les armures comme tu transperçais des écailles, du cartilage ou des os et te montrer impitoyable. Il faut t'acharner sur ta proie jusqu'à ce que tu trouves le point sensible qui mènera à sa mort, puis instiller la peur chez les autres en éviscérant ta victime, en arrachant son foie et en le dévorant sous leurs yeux. » Oh la vache, c'est violent. Et c'est typiquement la vocation de l'étoile de la mort. L'étoile de la mort... Oui, c'est-à-dire que c'est pas uniquement le fait de c'est pas juste une arme qui va détruire, c'est une arme qui va faire peur. C'est l'étoile de la mort, on l'a toujours fait cette comparaison, c'est l'arme atomique, c'est l'arme de dissuasion. Donc c'est on va exploser. Je veux pas m'en servir, mais. Mais voilà, vous savez que c'est très puissant. Mais voilà, vous savez que si vous me faites chier, je peux m'en servir. Mais en fait, juste la menace de s'en servir devrait suffire. Et du coup, eux, ils sont dans cette logique-là qui est d'avoir une arme qui permette d'assouvir leur domination sur l'univers, une arme qui fonctionne par la peur. Et il se trouve que leur propre vaisseau, le propre vaisseau du Moff, va servir à détruire des installations impériales, à faire de la guérilla spatiale, avec de la communication, puisque les néo-rebelles vont en fait filmer les attaques qu'ils font, donc vont servir à nourrir l'émergence de la rébellion. Et ça, ça d'accord, leur fait peur. Donc ceux qui ont volé le vaisseau vont s'en servir contre l'Empire. C'est ça. Ça la fout mal. À des fins, entre guillemets, de communication, pour montrer que l'Empire n'est pas si fort. Donc, en même temps que tu es en train de construire l'étoile de la mort qui est censée assurer ta domination, parce que tu sais que malgré tout, l'Empire, c'est fragile, et Palpatine, lui, il vient d'une république qui a chuté, il sait que même s'il met l'Empire... Ça peut chuter tout pareil. Ils ont très peur de l'impact que ça peut avoir de voir les installations impériales se faire démonter par déjà, un vaisseau. Déjà, rien que le fait qu'il soit fait piquer son vaisseau, c'est pas de la c'est bonne pub. Ridicule. Ça fait pas très... Donc c'est un petit peu ça, les enjeux, et en même temps, c'est pas très abouti. Je sens comme une déception. Oui, déception, parce que... Du coup, c'était quoi, toi, tes attentes quand t'as pris le bouquin? Mais attends, c'était de voir un peu l'Empire. Au final, ça a été... C'est ce que t'as dit quand t'as expliqué pourquoi ouais, t'avais choisi ce bouquin. Ça a été douché assez rapidement, parce que je me rappelle même quand j'ai commencé à le lire, je t'ai dit, bon, à un moment donné, voilà, au bout de 6 pages, il dit directement, j'ai pas retrouvé la citation, mais au bout de 10 pages, il dit directement ce que je pense, c'est-à-dire que l'Empire, en fait, c'est qu'une coquille qui permet de... C'est qu'un régime qui permet à Palpatine d'assouvir son pouvoir et de s'occuper de ses affaires. Bon, voilà, c'est parfaitement... Bon, on est d'accord que Palpatine, c'est un peu comme Voldemort dans Harry Potter. Lui, en fait, il cherche juste à vaincre la mort. Comme oui, tous les grands ça. Dirigeants, les grands mégalomanes et tout, ils cherchent juste à vaincre la mort. Et en fait, le reste, c'est juste du business quotidien pour lui permettre d'arriver à ça. C'est d'ailleurs l'un des intérêts, c'est que ça m'a un peu réconcilié avec la post-logie, la troisième trilogie, qui est sortie récemment au cinéma, avec le fameux Premier Ordre. qui, on peut spoiler, mais sert un peu le destin du côté obscur et de certaines personnalités fort populaires du côté obscur, mais je ne dirai pas qui, même si vous savez sans doute que je parle de Palpatine. Mais... Oh, tu veux dire que Palpatine, il n'est pas mort ? Palpatine n'est pas vraiment mort, ce qui casse d'ailleurs tout l'intérêt de la première trilogie, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, par contre, oui, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, tu as trois trilogies et tu as trois régimes qui sont au service de Palpatine. Le premier, c'est la République qui va se doter d'une armée qui est au service de Palpatine. Derrière, ça va devenir l'Empire. Quand l'Empire va s'effondrer, ça va devenir le Premier Ordre qui, là aussi, est un outil au service de Palpatine. Donc, au final, peu importe le pouvoir, ça, c'est un point que j'ai trouvé assez intéressant. Mais au final, c'est très vite écarté. Et on est oui, plus si tu sur... dis que tu vois ça au bout de 10 pages, effectivement, il fait combien de pages le roman ? Il fait exactement le même nombre de pages que toi, d'ailleurs 370. Je pense que c'est la norme au niveau des bouquins Star Wars. Et alors c'est justement ça, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes qui sont abordées sur la domination, sur Tarkin ne se voit pas comme un méchant. C'est-à-dire qu'on a souvent l'image du gentil et du méchant, et dans un monde manichéen, on imagine toujours que le méchant se pense méchant. Non, le méchant, il se pense légitime. Alors que le méchant se pense légitime. Et là, le méchant se pense légitime et pour lui, les méchants, c'est les autres. C'est ça. C'est pour lui, c'est clairement l'étoile de la mort, c'est un outil de paix. Il faut juste imaginer, nous, si on avait eu l'arme nucléaire qui était tombée aux mains des nazis, bon, bah, les nazis nous auraient dit c'est pour faire la paix. Mais nous, on sait que c'est des nazis. Donc c'était moins bien que les Américains. Mais pour les nazis, les Américains, c'était le méchant. Mais on ne va pas y revenir, c'est compliqué. Mais le méchant, à part dans certaines histoires où le méchant se rêve comme le grand empereur du mal absolu, parce que ça arrive, il y a des histoires, que ce soit des films ou des livres, où le méchant se voit lui-même comme le grand méchant, le plus méchant du monde, et qui rêve d'anéantir le monde ou d'annihiler toute vie. Ça arrive, mais en général, le méchant, c'est parce que nous, le héros, il est de l'autre côté et que le méchant, il veut juste assouvir ses propres ambitions. C'est ça. Et lui, il se voit légitime. Mais c'est ce que nous a appris le cinéma, notamment le cinéma américain, c'est le gentil héros qui n'a pas d'intention et le gentil méchant, le méchant méchant qui n'a pas d'intention non plus. Bah non, ils ont des intentions et les intentions, c'est pas juste d'être méchant ou juste d'être gentil. Malgré tout, c'est ce qui est un peu dommage dans le livre, c'est qu'il y a plein de petites choses qui sont abordées comme ça. L'idée, par exemple, ce que j'évoquais tout à l'heure de ce vaisseau qui est volé et qui sert à semer la peur, bon, c'est évoqué. Mais c'est couvert sous une masse de Star Wars. Tarkin, son passé, on évoque pas mal, mais c'est pareil, c'est couvert sous une masse de Star Wars. Qu'est-ce que tu veux dire par c'est couvert sous une masse de Star Wars ? Bah, c'est que c'est Star Wars. Star Wars, ça doit être divertissant. Donc Star Wars, tu dois avoir de la bataille stellaire. Star Wars, tu dois avoir des actes... par exemple, moi, ce que je comprends pas, c'est que alors qu'on t'as un bouquin qui est très noir, où tu as des personnes du côté obscur... Mais en fait, Tarkin, il a l'air lumineux par rapport sur la couverture. Oui. C'est le seul endroit lumineux de la couverture. Mais dedans, t'as le point de vue, à un moment donné, des rebelles. Bah non, en fait, c'est dommage que tu nous foutes le point de vue des rebelles. Bah non, c'est censé être le point de vue de Tarkin tout le temps. C'est ça. On essaie de nous vendre Tarkin qui est une espèce de... il a un flair inouï et c'est pas faux. Qu'est-ce que t'as pas compris dans ce que tu viens de dire ? J'ai pas compris. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, beaucoup de flair. Mais en même temps, ça ne prend jamais vraiment. C'est-à-dire que on sent qu'effectivement, il y a une recette, d'autant plus que dans Star Wars, il y a depuis que ça a été racheté par Disney, il y a deux univers. Il y a l'univers légende. Moi, c'est celui que j'ai pris. Toi, tu as. Et puis, il y a l'univers... officiel. Officiel, je crois que c'est canon, un truc dans le genre. C'est quoi, du coup, en fait, légende, c'est que ça s'éloigne de l'univers des films ? En fait, c'est qu'historiquement, Star Wars, c'est les films. Autour de ça, se sont greffés tout un tas de livres. Et quand Disney a repris, certains livres venaient en contradiction avec ce que qu'on mettait dans les films. D'accord. Donc, du coup, ils ont souhaité, plutôt que de dire ça, vous n'avez plus le droit de le faire, ils ont dit, voilà, on va distinguer les deux. Il y aura le canon officiel. Mm-hmm. Donc, Tarkin fait partie des œuvres du canon officiel. Tu veux dire que le bouquin que j'ai choisi fait partie des œuvres qui s'éloignent des films ? Bah, c'est des légendes. Donc c'est... Oui, oui, voilà. Je peux comprendre. Il y a qu'à voir la datation du bouquin que j'ai pris. Effectivement, oui, légende, c'est bien le terme. Mais j'en ai un autre avant. Là, j'en ai un autre que j'avais acheté il y a quelques années que je n'ai pas lu. C'est la fameuse trilogie La croisade noire du Jedi fou de Timothy Zane. Mais du coup, si tu l'as acheté il y a longtemps, est-ce qu'il fait partie des canons ou des légendes? Alors, lui... C'est Fleuve Noir, c'est pas Pocket. À l'époque, on se posait pas la question. Maintenant, ça fait partie des légendes. D'accord. Parce que c'est dans... Avant qu'ils sortent... Pourtant, sur la couverture, on voit Luke, on voit Leia, on voit Han Solo. Et... Oui, mais parce que en fait, ça fait pas partie de l'univers officiel. Et notamment, le problème avec cette trilogie-là, c'est que ça a longtemps été jugé comme étant la troisième trilogie, parce que c'est visiblement très bien écrit. Moi, j'ai lu un bout du premier il y a très longtemps, donc je ne m'en rappelle pas trop. Mais c'est vraiment très bien écrit, l'histoire est très bien. C'est à la hauteur de ce que pouvaient être les films Star Wars. Et c'est ce que les fans attendaient, en fait, dans la dernière trilogie. C'est ce que les fans attendaient et que les fans n'ont pas eu. D'où la déception des fans. D'où la déception des fans. Mais du coup, c'est classé dans la catégorie légende, parce que voilà, c'est une légende. Ça s'éloigne de l'univers officiel, agréé officiel. Voilà. Aujourd'hui, il y a surtout beaucoup d'œuvres de la légende. Oui, forcément. Alors, je ne sais plus du tout pourquoi je faisais la distinction légende-canon, mais ça ne reviendra pas. Mais enfin, là, aujourd'hui, on est quand même dans une recette, la recette du Star Wars de Disney. C'est du fanfiction ? Oui, et alors même par moments, au niveau du style, c'est du fanfiction. J'aime pas dire ça parce qu'il y a des très bonnes fanfictions, mais là, je te l'ai déjà lu cet extrait-là, mais... Dans la plus isolée des nombreuses salles tactiques de l'exécutrice, Tarkin referma la myriade de programmes en cours sur l'immense holotable d'analyse des combats et entra un code impérial confidentiel permettant de connecter le projecteur à l'holonet. Il se soumit ensuite à une série de relevés biométriques qui lui donnèrent accès à une multitude de bases de données des archives républicaines et impériales classées top secret et localisées sur Coruscant. C'est bien parce que la personne, elle a cherché multiples et elle a cherché tous les synonymes pour les mettre tous mais dans oui, la même phrase. Mais c'est très mal écrit. Et c'est dommage parce qu'il y a plein de bonnes idées, c'est intéressant, mais c'est mal écrit. Et puis, bah, oui, c'est un peu enfermé dans la formule, dans la recette magique Star Wars. Donc, on le fait des... Ce qui ne passe pas, d'ailleurs. Je trouve que les scènes de bataille sont imbitables. Star Wars, c'est Star Wars parce que c'est Star Wars au cinéma. C'est visuel. C'est visuel. C'est difficile de reporter. On a souvent parlé dans les précédentes émissions de l'adaptation de romans en film, mais l'inverse, c'est tout aussi difficile. Enfin, je veux dire, quand tu prends un film et que tu dois le passer par écrit, enfin, Star Wars, les batailles de Star Wars, elles sont visuelles. Quand tu dois décrire ce qui se passe à l'écran, le vaisseau, il a fait ci, il a fait ça, il a pris son arme, il est allé à gauche, il est allé à droite... Il a fait une parade, Enfin, merde, je suis en train d'envoyer balader le micro. Ça passe très mal dans un bouquin. Il y a une bataille à la fin où il y a le croiseur, donc les gros croiseurs triangulaires, là, comme les tacos. C'est pas les tacos que je pense, c'est les chips là qu'on mange avec du guacamole, mais je sais plus comment ça s'appelle. C'est des tortillas. Les tortillas, non, voilà. Oui. Et donc il y a une énorme tortillas volante. Il y a une bataille et il rentre dans la bataille où il y a des vaisseaux ennemis et puis des vaisseaux à lui. Enfin, c'est un convoi de matériel. Il rentre dedans, il est en plein milieu. C'est spectaculaire. Ça passe pas du tout en bouquin. Ouais. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que l'univers Star Wars, c'est trop spectaculaire. C'est un univers visuel. C'est trop visuel pour vraiment s'y prêter. C'est pas inintéressant. C'est pas le Tarkin que j'imaginais. Je trouve notamment l'un des trucs qui... Parce que c'est un peu vendu par la couve, c'est un peu vendu par la quatrième de couverture, c'est un peu quand même l'idée derrière, et c'est un peu l'attente que j'avais. Moi, j'adore le personnage de Vador, même si effectivement, c'est un sous-fifre. C'est un personnage qui finalement est pas si grand que ça. Et j'attendais de voir un peu le duel, mais le comparatif Tarkin-Vador. Vador est quasiment inexistant dedans. Enfin, ils ont... Et en même temps, tu as choisi un bouquin qui s'appelle Tarkin, donc c'est censé parler de Tarkin et pas ouais, de Vador. Mais tu pourrais t'attendre à ce qu'on utilise Vador comme un moyen de valoriser ou de montrer les spécificités de Tarkin, mais ça n'existe pas. Oui, de montrer leurs différences, la manière dont ils fonctionnent, leur rôle différent, ce qu'ils font pour l'Empire l'un et l'autre. C'est un peu comme Starsky Hutch, mais où tu vois que Starsky. Soyons honnêtes, dans Starsky Hutch, on se plaît beaucoup plus à avoir Starsky que Hutch. Hutch alors, il faut que tu saches que j'ai jamais regardé Starsky et Hutch. Ah mon dieu, femme, mais il va falloir qu'on fasse ça après avoir revu tous les épisodes de toutes les séries qu'il faut qu'on regarde. On verra ça quand on sera à la retraite, du coup. Donc voilà, c'est pas inintéressant. Bon, tu t'es rendu compte très vite que ça allait pas répondre à tes attentes. Oui, ça a été quand même surprenant. Mais du coup, est-ce que tu as quand même apprécié ta lecture ou vraiment ça te... Oui, parce que malgré tout, c'est un univers que j'aime bien, mais pour le coup, c'est ça qui est un peu regrettable. Alors, si tu l'aimes bien juste parce que c'est un univers que tu aimes bien, c'est pas très valorisant pour mais le bouquin. Mais non, mais c'est ça qui est regrettable. C'est-à-dire que je vais faire une comparaison. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu The Expanse, qui est une saga de science-fiction assez moderne, qui est adaptée en série sur Amazon Prime, je crois. Le premier tome fait 700 pages. C'est pas du tout la même chose parce que c'est un univers plus réaliste, plus dans l'idée source d'inspiration alien, etc., en termes d'univers. C'est tellement plus agréable à lire, tellement plus intéressant à lire que ça. Ça, c'est... oui, j'ai l'impression de voir un épisode d'un... Même pas d'un film, mais d'avoir un épisode d'un des dessins animés Star Wars. J'avais oublié les dessins animés Star Wars. En termes de bouquins et d'appréciation littéraire, je suis moins client. Et alors, notamment, je pense qu'il y a vraiment, pour le coup, ça s'adresse vraiment aux fans. Il y a des pages entières où j'ai rien compris. Parce qu'on parle de technologie, on parle de planète, etc. Où si je m'arrête pas pour essayer de voir un peu de quoi on parle. Donc, en fait, je les lis. Ah, tu perds de l'intérêt. Je les lis pour les lire et au final, ça m'intéresse moins. Et voilà, je trouve que pour le coup, c'est le format écrit, ça ne matche pas, en fait. Est-ce que ça aurait matché si ça avait été un film plutôt qu'un livre ? Oui, parce que je pense que l'histoire est intéressante. Visuellement, ça aurait pu être sympa. Et puis, je trouve que Tarkin est une gueule de cinéma. Enfin, le comédien est absolument merveilleux. Ouais, il a une gueule sur la couverture. Et je trouve que ça aurait pu marcher comme ça a marché sur Rogue One. Mais voilà, je me dis, j'ai même pas envie de lire les autres. Ça ferait un épisode comme Rogue One, qui soit indépendant, un peu à l'écart. Mais pas, ça marcherait mieux en film. C'est plus visuel que littéraire. C'est ça. Donc voilà, c'est clairement, nous, on s'est donné un peu ce challenge de lire un bouquin Star Wars qu'on n'en avait jamais lu. Enfin, moi, j'en avais lu un, mais je n'avais pas fini. Bah, de manière générale, je ne suis pas très fan des bouquins sur l'univers de... Alors, évidemment, je te dis ça en ayant une collection d'une trentaine de bouquins de l'univers de Buffy que j'ai lus. Je ne parle pas de ceux que ta collègue m'a donnés et qui sont dans la chambre. Je parle de ceux qui sont dans un carton encore dans la maison, dans les Deux-Sèvres. Il doit y en avoir une trentaine que j'ai tous lus. Et où, effectivement, je les ai lus, j'ai pris mon plaisir à les lire parce que c'est l'univers d'eux et que j'aime l'univers d'eux. Mais en fait, ils ne sont pas intéressants. Je l'ai d'ailleurs toujours quelque part. J'avais une BD sur Dark Vador. Là, j'ai vraiment pris du plaisir à lire. Mais parce que voilà, c'est visuel, il y a la BD. Mmh. Et moi, je pense que vraiment, c'est vraiment le problème. Les couvertures sont très jolies parce qu'il y a on peut passer à ton livre. Ton livre aussi, j'ai la couverture. J'ai pas lu la première et la dernière phrase du tien. Ah oui, vas-y, hop. Juste pour voir ce que ça donne. Alors, première phrase. Ce qui fait peur, c'est... Tu me diras, dans le mien, ça fait peur aussi. Mais quand tu ouvres le bouquin, le tien, tu as le cycle officiel Star Wars Timeline avec... Les différents... Oui, tous les tableaux. La menace fantôme, l'attaque des clones, la revanche des Sith. Et tu as Tarkin qui se met juste après la revanche des Sith. Mais tu n'as pas tous les films, hein, parce qu'on sent qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore tous les films. Il n'y avait pas les deux derniers. Alors, la première phrase, logiquement, c'est « Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. » Alors, donc, la première phrase, c'est... 5 années standards se sont écoulées depuis que Dark Sidious s'est autoproclamé empereur de la galaxie. Bah, en fait, la première phrase, elle nous situe, c'est une situation temporelle. Et la dernière phrase, alors faut que je remonte. Au bout d'un moment, elle finit par dépasser la vitesse de rotation de la planète et, émergeant de l'ombre de Géonosis, s'élança vers l'immensité de l'espace. Oui, ça fait très fin de Star Wars où on voit quelque chose qui s'élance dans l'espace. C'est ça. Voilà, voilà, voilà. Oui, donc passons au mien. Alors, passons au tien. Donc, avec le mien, on était 14 ans avant la bataille de Yavin. Oui. avec le tien, on est 25 793 ans avant la bataille de Yavin. Oui. Ça s'appelle l'aube des jeudis de Tim Lebon. Voilà, ce n'est pas le vendredi, ce n'est pas le mercredi, c'est le jeudi. Voilà, donc l'aube des jeudis, on n'avait pas encore parlé des jeudis. C'est vrai, bah, en même temps, tu étais du côté obscur, toi. Donc on est effectivement, alors c'est la couverture donne un peu le ton, puisque donc déjà c'est une héroïne féminine. Oui. Et elle a un sabre, mais ce n'est pas un sabre laser, c'est un sabre en métal, avec un petit reflet rouge au bout, et un petit cran d'arrêt au niveau de la pointe. Couverture avec une pyramide. Je pense qu'on va jouer à pyramide avec Pépita dans ce roman. voilà. Alors. Et donc c'est un roman de légende. C'est un roman de légende. Alors j'ai noté un truc juste là en le feuilletant. Je l'avais pas noté. J'ai pas regardé dans le mien. Mais alors ça m'a fait rire parce qu'il y a une page qui te donne la liste des personnages. Oui, c'est un peu ça. C'est le genre de truc que t'as dans certains bouquins. T'as l'impression que tu vas lire une pièce de théâtre. Oui, alors, C'est très efficace dans certains. Alors, je suis familiarisée avec ça parce que dans les romans de fantasy qui sont en 15 volumes, des fois tu as un petit glossaire avec les termes et les personnages parce que, par exemple, dans La Roue du Temps que j'ai commencé à lire en début d'année, qui est en 22 volumes, quand tu lis ton. Là, j'ai lu les 4 premiers et je sais que quand je vais reprendre le 5e, il sera passé plusieurs mois. Donc, revoir ça, c'est pas mal. Ça permet des fois de te rappeler qui est qui ou ce qui s'est passé ou ce que c'est que telle chose. Mais là, c'est très con. Parce qu'il y a 6 personnages, c'est ridicule. Tu te dis, ah cool, dites-vous, il y a Clara. Ah bah je suis content, il y a Clara, ça faisait. Mais non, parce qu'en fait, c'est le seul bouquin qui se passe à moins 25 000 ans. Après, ça passe à moins 3 000, donc en fait, il n'y a aucun intérêt. Alors, l'aube des jeudis. Oui. Ça va parler de jeudi. Oui. Alors, je crois qu'on ne dit pas jeudi à l'époque. Non. À l'époque, on dit. C'est Jedi. Les Jedi. Les Jedi. Il y avait une blague comme ça, c'était. Tu sais ce que ça fait quand tu lances une gousse d'ail contre un mur? C'est un Jedi. Non, c'est le retour du Jedi. Ah. Voilà. Je suis en CM1 avec Madame Legrand. Donc du coup, raconte-nous le pitch de. Alors couverture très colorée, contrairement à la mienne très colorée, devant comme derrière. Oui. Avec une planète visiblement qui a l'air d'être au cœur de l'intrigue. Et puis plein de petits cercles qui, je pense, sont juste les reflets sur l'objectif. Ah oui, c'est très joli. J'aime bien vous parler de détails qui sont complètement insignifiants. Et ce qui est très bien, c'est qu'il y a le logo Disney derrière. C'est comme le tien, ça fait très... Disney et Lucasfilm. Alors, comme la chronologie le laisse à penser, ça se passe en moins 25 000 avant Yavin. Ça se passe il y a très très très très longtemps, hein, encore plus longtemps. Et Je te confirme que ça commence par il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Oui, mais je pense que tous les bouquins Star Wars commencent comme ça. En fait, comment dire, de quoi ça parle? Il y a moins 25 000 ans, la Force existait déjà, et visiblement, c'était plus banal que ça ne l'est dans l'univers Star Wars des films. Mais finalement, ça n'a pas beaucoup évolué. Enfin, je veux dire, il y avait déjà les gens qui maîtrisaient la Force, qui suivaient une formation pour devenir Jedi, qui avaient un genre de formation. Il y a plusieurs temples sur la planète et ils ont un circuit à faire pour aller de temple en temple. Pour apprendre à maîtriser la force et devenir des bons pratiquants de la force, bien savoir la maîtriser, la contrôler et s'en servir. Bien. Du coup, sur la couverture, c'est l'héroïne. Qui s'appelle? Je ne sais plus. Lanori. Lanori Brock. Lanori Brock. Qui est une dure à cuire. Oui, bah, c'est une Rangers. Ses parents. Elle est née sur la planète Titon, qui est la planète sur laquelle la force circule à l'état pur. Et ses parents sont tous les deux... Ils font des petits sachets, après ils coupent la force. ses parents sont tous les deux professeurs dans l'un des temples d'apprentissage de la force. Mais des professeurs plus, on va dire, artistiques. Plus dans parce que la force peut permettre de faire plein de choses. C'est pas juste la force pour combattre. Et dans Star Wars, on dans les films, on parle beaucoup de la force dans l'art de combattre. Mais la force, ça fait plein d'autres choses. Et donc, ses parents possèdent, maîtrisent, tous les deux sont des professeurs c'est de vrai la force. Si tu avais force. Fait des mecs qui font de très belles aquarelles au cinéma, ça aurait bien marché. Mais visiblement, ses parents sont des, tous les deux des professeurs dans la force, mais plus dans la technique de l'art. Et ses parents ont eu deux enfants, elle et son petit frère. Et qui s'appelle. Attends, je vais dire ça, c'est malin, j'ai la liste des personnages. Oui, c'est vrai. Dalien. Dalien, c'est ça. Oui, alors, j'ai fini le bouquin il y a un peu plus de 15 jours et j'ai un peu oublié beaucoup de choses depuis. Elle a grandi dans un univers où la force, c'est naturel. Ses parents sont professeurs dans la force. La force fait partie d'elle. Et pour elle, c'est la voie logique, c'est d'apprendre, de faire son apprentissage et de devenir Jedi, comme ses parents avant elle. Et ses parents, ils ont cette même vision de ce qu'ils veulent pour leurs deux enfants. Ils veulent que leurs deux enfants fassent l'apprentissage et deviennent Jedi comme eux le sont aussi et qu'ils trouvent leur voie dans la force. Sauf que... Mais ils maîtrisent tous la force Visiblement, sur la planète, ils sont nombreux. Hein. C'est la majorité, on va dire. Sauf que pas de bol, le petit frère, lui, la force, il est complètement hermétique. Lui, il est rêveur. Dans la liste des personnages, il est rêveur. Elle est ranger, lui, il est rêveur. Ouais, c'est ça. Lui, il est complètement hermétique à la force. Et non seulement il est hermétique, mais en plus, il est farouchement opposé à la force parce qu'il est persuadé qu'en fait, la force les contrôle. C'est pas eux qui contrôlent la force, mais la force les contrôle et ils sont pas libres de leur vie parce que c'est la force qui contrôle tout. Et l'histoire, en fait, elle est double. Il y a deux histoires en fait dans le roman. Il y a l'histoire actuelle qui est écrite au passé. Oui, alors ça j'ai lu dans les critiques, ça pouvait être perturbant. Donc il y a l'histoire qui se passe en ce moment où la Nori est contactée par des maîtres Jedi qui la charge d'une mission. Parce qu'il y a apparemment il y a un groupe qui s'appelle les Rêveurs d'étoiles. Qui cherche à mettre au point un appareil qui devrait... Alors, il faut savoir, le Titon, c'est une des planètes du système de Titos, qui comprend plusieurs planètes. Mais les gens qui peuplent cette planète et ce système, ce n'est pas leur système originel, c'est mieux. Ils ont été déposés là il y a des milliers et des milliers d'années. Bien avant les 25 000 ans de là où ça se passe. J'imagine le vaisseau spatial qui marche. Allez, tu peux vider les Jedi, vas-y. Donc, ils ont été déposés là il y a des milliers d'années et ce n'est pas l'endroit dont ils viennent. Et les gens qui ne maîtrisent pas la force, il y en a certains qui s'interrogent sur d'où ils viennent au-delà des étoiles. C'est pour ça qu'on les appelle les rêveurs d'étoiles. Et donc... La Nori est contactée par les maîtres Jedi qui l'informent en lui disant il y a une secte, un genre de secte, on va dire, qui s'appelle les Rêveurs d'Étoiles, qui espère construire une machine qui permettrait d'ouvrir un portail stellaire pour voyager hors de leur galaxie et ils cherchent à retrouver l'endroit d'où ils viennent. Sauf que l'appareil qu'ils vont mettre au point, il a un petit effet secondaire qui est que s'il l'active, ça va faire comme un trou noir et ça va aspirer la galaxie entière de Titos. Ah oui. Ce qui est un peu embêtant pour toutes les personnes, les milliards de personnes qui vivent dans l'univers de Titos. Oui, mais si ça permet de connaître des origines, voilà. C'est pas le problème. Donc du coup, t'as les maîtres Jedi qui chargent la Nori de... Alors, ils n'ont pas beaucoup d'infos, hein. c'est vraiment très très parcellaire ce qu'ils savent. Ils savent qu'il y a quelque chose, peut-être... Mais ils ont que des infos vraiment très très succinctes et ils chargent toujours au top de l'information les Jedi globalement. Du coup, c'est juste des rumeurs et tout, donc ils chargent la Nori de faire une enquête en fait sur ces rumeurs pour savoir si c'est fondé ou pas et accessoirement de retrouver le leader des rêveurs d'étoiles pour se débarrasser de lui et l'empêcher qu'il mette fin à la galaxie de Titos. Ah et au passage. Ils lui disent quand même, parce que c'est un petit détail, le mec qui a la tête des rêveurs d'étoiles, c'est son frère qu'elle croit mort depuis 9 ans. Il y a toujours une petite histoire de famille dans Star Wars. Voilà, ce très Star Wars, c'est le frère et la sœur. Et donc ça, c'est l'histoire qui se passe aujourd'hui. Donc c'est l'histoire présente, mais qui est racontée au passé. C'est l'histoire qui est présente, mais elle est racontée au passé. D'accord. Elle est racontée donc, au passé. Narrée depuis le futur. Oh, tu fais chier. Ça devient compliqué. C'est l'histoire présente. C'est l'histoire qui se déroule au temps présent, mais qui est narrée au passé. D'accord. Et donc, pendant cette histoire-là, pendant que toute cette histoire va se dérouler, les aventures de Allori à la recherche de son frère, qu'elle va essayer de le retrouver et tout, elle se remémore son enfance avec son frère. Alors, son enfance au tout début, quand ils ont une dizaine d'années, puis ensuite un peu plus grand, quand ils partent faire. Alors, c'est pas le terme quête, mais je retrouve pas l'autre terme. Leur apprentissage dans les différents temples de la Force. Parce que même si son frère est hermétique. C'est toujours initiatique. Oui, c'est un voyage initiatique. Une classe de mer. Parce que même si son frère est hermétique à la Force, les parents s'imaginent quand même qu'en faisant le voyage initiatique, il va finir par s'ouvrir à la Force et que ça va finalement, il va rentrer dans l'ordre et rester et devenir comme tout le monde. Alors que c'est perdu d'avance. Hein. Et donc, elle se remémore ses souvenirs de son frère jusqu'au moment où il est mort dans son souvenir. Et ce passé, ses souvenirs, puisque ce sont des souvenirs, c'est du passé, c'est raconté au présent. D'accord. N'est-ce pas un peu perturbant ? Non, parce que... Alors, ça peut être perturbant au début, mais finalement, ça te permet de Bah, tout de suite, quand tu regardes la conjugaison des verbes, tu sais tout de suite si c'est au passé, c'est du présent. Si c'est au présent, c'est du passé. Mais du coup, c'est moi, de ce que j'ai dans les critiques, ce qui est surtout perturbant, c'est qu'on passe de l'un à l'autre sans véritable transition. Oui, mais moi, ça m'a franchement pas perturbé. C'est pas... justement, le fait que ce soit conjugué différemment, ça te permet tout de suite de savoir si tu te trouves dans les souvenirs ou si tu te trouves dans l'actuel. J'ai trouvé ça amusant, le fait que le présent soit au passé et que le passé soit au présent. Mais en fait, je trouve que ça a du sens parce que les histoires sont souvent racontées au passé, même si c'est ce qui se déroule, c'est raconté au passé. Et les souvenirs, ça les rend vivants, le fait qu'ils soient racontés au présent. Elle les raconte comme la petite fille qu'elle était à l'époque. Et ça les rend très, très vivants, le fait qu'ils soient racontés au présent. Bon, après, chacun s'y retrouve comme il peut, et moi, ça m'a pas plus perturbé que ça. J'ai vite compris que le présent était au passé et que le passé était au présent, et une fois posé ça, c'est pas très compliqué. Donc, du coup, c'est un peu comme le mien, c'est un peu une histoire de chasse à l'homme. Oui, tout à fait. Elle part à la. Elle essaye de retrouver. Faut d'abord qu'elle arrive comme à se convaincre que son frère n'est pas mort, parce que dans ses souvenirs, elle se souvient très bien que son frère a disparu et qu'ils ont fait, elle et ses parents, le deuil de son frère et tout et tout. Donc déjà pour elle, c'est une petite surprise d'apprendre que son frère, finalement, il n'est pas mort, qu'il est vivant. Et du coup, il faut d'abord qu'elle se convainque que c'est bien son frère. Et bon, au bout d'un moment, oui, elle se rend compte que c'est effectivement son frère et elle passe son temps à le poursuivre d'une planète à l'autre. Il a toujours un petit peu d'avance pour le ramener à la raison et lui dire que c'est pas bien ce qu'il va faire, parce que si ça aspire tout l'univers, c'est pas cool pour les gens. J'imagine ce vrai dialogue. Ah, mais tu sais, c'est pas cool quand même. T'imagines, t'es dans ta salle de bain, t'es en train de te faire belle et tout, parce que t'as un rendez-vous avec un copain de Jedi. Hein, et là, tout d'un coup, hop, l'univers il est aspiré. C'est pas cool. Et du coup, je sais pas comment continuer. Donc après, elle doit essayer de l'attraper et si besoin, le tuer pour de vrai cette fois. Alors, moi, quand je t'ai observé, je t'observe, femme, j'ai eu le sentiment que le début, ça t'avait bien plu, ça marchait bien. Oui. Et que t'as un peu déchanté sur la fin. Tout à fait. C'est exactement ça. En fait, quand j'ai commencé le bouquin, j'ai dû me remettre d'une petite déception. Parce que, alors, il faut que je revienne sur le choix, la raison du choix de ce bouquin. Oui, c'est vrai que je te demandais pourquoi... Mais attends, Bibiche. Mais on n'a pas abordé cette question, mais pourquoi as-tu choisi ce roman ? Alors, j'ai choisi ce roman parce que dans la chronologie, c'est le tout premier. Et que je me disais, ça va remonter à... ça va être la découverte de la Force ou la découverte de la mise en place des Jedi, comment l'ordre des Jedi va se créer avec les maîtres, ce qu'ils peuvent faire, l'apprentissage. Et comme tu me l'as fait remarquer, ce livre s'appelle « L'aube des Jedi » et en fait, moi, je rêvais de lire le minuit 2 des Jedi. Oui. C'est-à-dire vraiment juste le début. Et bon, j'ai été un peu déçue parce qu'en fait, quand on arrive, la Force, c'est déjà très présente. C'est quelque chose de naturel. Alors pas pour toutes les pas pour tous les peuples, hein, mais là on est dans une famille pour qui la force c'est naturel. On est sur la planète sur laquelle la force circule à l'état pur et c'est une force naturelle, c'est quelque chose de banal. Et il y a déjà l'ordre des Jedi qui est en place avec le voyage initiatique, la formation. Et en fait j'ai été déçue parce que moi je m'attendais à découvrir les fondements de ça. Mais effectivement, on voit dans les dates, parce qu'on disait que c'est un peu plus de 25 000 ans avant la bataille de Yavin, mais je vois là des citations où la datation, c'est en 2545 AATY, donc après l'arrivée des Toyeurs. Mm. Je pense que les Toyeurs, c'est... Ça, c'est la période, ça correspond au moins 25 000. Parce que voilà. Si tu regardes les premiers extraits, c'est le frère, c'est oui, de Dalien. Moins 1000, enfin c'est 10 000 AATY. Voilà, donc ça veut dire que dans le temps, dans la chronologie, puisque eux ils parlent pas en moins 25 000 avant Yavin, puisque évidemment ça va se passer que dans 25 000 ans, eux, dans leur monde, ils sont déjà à l'an 10 000 depuis qu'ils sont sur cette planète-là. Et du coup, moi j'aurais voulu lire le moins 35 000. Oui. Donc en fait, j'ai eu une première déception quand je suis arrivée en me disant ah bah merde, en fait c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Bon bah ça arrive. Hein. J'aurais voulu lire le minuit 2 des Jedi. Bon, moins 35 000 ans avant Yavin. Bon alors je me suis fait une raison et je me suis dit bon bah c'est pas grave, on va quand même lire l'histoire. Et c'est vrai que le début est sympa. J'ai bien aimé le fait que bon c'est très Star Wars, le fait que ce soit une histoire de frères et sœurs. La sœur qui doit rattraper le frère. C'est très banal dans l'univers. Ça, c'est les histoires de famille dans Star Wars, c'est la base, quoi. Mais le début m'a bien accrochée, dans le sens où il fallait qu'elle parte à la recherche de son frère pour l'empêcher d'anéantir l'univers. J'ai bien aimé le fait qu'elle ait les souvenirs du passé, où on voit... parce que là, du coup, ça répondait un peu à l'attente que j'avais, qui était la découverte de l'apprentissage des Jedi. Les différents temples, ce qu'ils en font, les liens qu'elle avait avec son frère, et on voit les liens qu'elle avait tissé avec lui. On voit que elle est quand ils sont partis. Alors dans les premiers souvenirs, c'est vraiment les premiers souvenirs avant qu'ils partent faire leur apprentissage, mais la majeure partie c'est pendant leur apprentissage. Et quand ils partent tous les deux, ses parents lui disent on te confie ton frère, et elle prend ça très très au sérieux et elle passe son apprentissage à se préoccuper parfois plus de son frère que d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle est persuadée que son frère va revenir vers la force, mais elle s'inquiète pour lui, elle le sent qu'il n'est pas bien. Enfin, elle est très maternelle, elle est très parentale avec son frère. Et je me mets à la place de son frère, ça doit être insupportable. Cette manière de le regarder qui est très... d'attendre qu'il s'ouvre enfin à la force, que... ils n'ont pas forcément une relation à partir du moment où ils partent de la maison. Ils n'ont pas une relation de frère et de sœur d'égalité avec un ou deux ans d'écart. Ils ont vraiment une relation, elle, de parents. Elle prend soin de lui comme si ses parents étaient décédés et qu'elle devait prendre soin de son petit frère. Est-ce qu'on a le point de vue du frère ? Non, et c'est d'ailleurs ce que je regrette. Parce que du coup, en fait, c'est ça qui aurait été intéressant. Moi, je suis beaucoup plus intéressée par son frère qui, effectivement, lui, il n'est pas sensible à la force et il s'intéresse, je peux le comprendre, au fait que comment ça se fait qu'ils sont arrivés sur cette planète-là il y a 10 000 ans et qu'il a envie, en regardant les étoiles, quand il regarde les étoiles, lui, ça lui évoque qu'ils viennent d'ailleurs d'au-delà les étoiles. Et il aimerait savoir d'où ils viennent, pourquoi ils ont été déposés là. Et je peux tout à fait comprendre qu'il ait envie de trouver une réponse à ces questions. Et surtout qu'ils ont été déposés sur cette planète il y a 10 000 ans, mais il y a déjà des vestiges qui sont plus anciens. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une civilisation sur cette planète avant qu'ils arrivent. Et un peu comme nous, on s'imagine la science des Atlantes. Et... il va se servir d'une technologie qui est antérieure à leur arrivée sur cette planète-là pour ouvrir un portail qui lui permettrait de voyager dans les étoiles et de voir d'où ils viennent réellement. Et je trouve que c'est très intéressant. Pour le coup, c'est un personnage qui m'intéresse beaucoup et je comprends que, étant réfractaire à la force et en plus en ayant l'impression qu'en voyant tous les autres, que c'est la force qui les contrôle et que lui seul a une vie qui est libre, où il est libre de faire ce qu'il veut. Il se sente, enfin, c'est comme si tout le monde autour de lui le forçait, le contraignait à rentrer dans le moule en disant non, non, c'est pas bien, tu vas forcément sentir la force, c'est pas possible autrement. Ça doit être horrible pour lui. Mais du coup, est-ce qu'on apprend des choses? Parce que c'est quand même l'aube des Jedi. Moi, j'ai un sous-titre qui s'appelle Matière Noire. Alors, le sous-titre Matière Noire, c'est parce qu'en fait, il va faire appel à la matière noire pour ouvrir. Il fait appel à cette matière noire. D'accord. C'est ce qui va permettre de faire fonctionner cette technologie ancienne qui permettra d'ouvrir le portail stellaire. Mais du coup, est-ce qu'on est quand même un petit peu dans. Parce qu'on s'attend à apprendre des choses sur les Jedi. Est-ce qu'on apprend des choses sur les Jedi? Non. D'accord. Du coup, est-ce que tu conseilles ce livre? Alors, c'est ce que tu disais tout à l'heure, le début m'a plu parce que j'ai aimé l'idée de... C'est classique, mais ça reste intéressant si c'est bien écrit, d'une sœur qui doit partir à la recherche de son frère pour l'empêcher de commettre l'irréparable, avec les souvenirs qui rappellent, qui expliquent petit à petit la relation qu'ils avaient. Mais c'est très décevant dans la dernière partie parce que c'est très... cliché, très attendu, il n'y a pas de surprise, il y a... Bon, je suis complètement restée sur ma fin, en fait. Ça finit bien. Oui, ça finit bien. Son frère, il meurt et elle n'a pas ouvert la porte. Il n'a pas ouvert la porte, donc l'univers n'est pas... Tout est bien qu'il finit bien. Voilà, mais je trouve que ça manque d'intérêt parce qu'en fait, ça n'a pas... ils n'ont pas creusé la partie d'Alien qui aurait été intéressante. J'avoue que je suis plus intéressée par lui qui est différent dans ce monde où la force est une norme que par... la nourrice, c'est ça. Hein. Elle est parfois... tellement je cherche le mot c'est pas condescendante mais tellement pas arrogante, non elle est pas paternisante, voilà elle est très paternaliste vis-à-vis de son frère. Elle sait mieux que lui ce qui est bon pour lui. Elle sait mieux. Elle maîtrise la force. Oui, elle maîtrise la force. Mais t'as l'impression que, alors dans ses souvenirs, c'est criant de vérité. C'est cette manière de regarder son frère et de C'est un reproche que j'ai souvent fait aux Jedi, parce que c'est un point qui est avancé par Tarkin, par exemple, c'est qu'il met un peu en avant le fait que les Jedi se sont un peu gonflés d'orgueil, enfin, sont un peu vus trop beaux, par exemple, ne pas vouloir d'armée ou ce genre de choses, et que voilà, ils sont restés immobilisés dans leur truc. Et c'est vrai que c'est souvent quelque chose qu'on reproche aux Jedi, c'est d'être un petit peu sur deux. C'est pas le terme que je j'utiliserais sur deux parce qu'elle est pas franchement sûre d'elle, elle est pas arrogante par rapport au fait qu'elle possède la force et qu'elle fait des choses avec la force, mais elle sait mieux que son frère ce qui est bien et elle est agaçante pour ça. Elle est pas, enfin t'as des personnages auxquels tu t'attaches et je l'aimais bien au début. Mais très, très rapidement, elle m'a agacée. Et alors, du coup, est-ce que malgré tout, dans le style, est-ce que la remarque que j'ai faite, moi, sur le fait que c'est très Star Wars, le recette Star Wars, et que le style est... Je trouve que Par contre, là, j'ai aucun reproche à faire. C'est très bien écrit. J'ai pas été saoulée ou par les... Alors, c'est un univers de science-fiction, donc il y a plein de choses... Il y a moins de technique. Il y a moins de technique, il y a moins de. Enfin, t'es pas submergé par les informations. Elles sont la trame de fond, l'univers de fond. T'as des fois des petites explications quand elle va sur une planète parce qu'elle discute avec quelqu'un d'autre et elle s'informe. Elle connaît pas toutes les planètes. Enfin, c'est une jeune Jedi, donc elle est pas non plus. Elle doit avoir une vingtaine d'années, donc elle est très très loin. Son frère est mort il y a 9 ans et ils devaient avoir une quinzaine d'années à l'époque. Donc, elle est une jeune Jedi, donc elle ne connaît pas tout sur l'univers de Tytos, sur la galaxie de Tytos, et elle se renseigne. Et les informations qu'on a au fur et à mesure du roman sont bien. Voilà, t'as pas l'impression d'avoir un cours, t'as pas l'impression d'avoir. Il y a moins de fanservice à faire, puisque. Ah, bah oui, ça se passe il y a 25 000 ans. Donc, alors que c'est vrai que dans Tarkin et dans les autres bouquins, il y a beaucoup plus. Sur la même époque, mais même quand elle parle des paysages, des animaux. Des créatures, t'as pas l'impression d'avoir un cours sur cette planète là. C'est très bien intégré, c'est très bien écrit. C'est juste l'histoire en elle-même qui m'a déçu un peu. Bon, c'est pas une franche réussite, non. je regardais, c'est justement ce que je regardais tout à l'heure, si j'avais noté si j'avais donné ma note sur Babelio, et d'ailleurs j'ai remarqué que les deux bouquins sont notés à peu près pareil sur Babelio. Mais je pense que tous les Star Wars sont notés à peu près pareil. Ils sont 3,5. Ils sont à, ça tourne autour des 2,5, les 3,5, entre 3,5, les notes entre 3 et 3,5. Je sais que j'ai pris aussi le Tarkin parce que dans les critiques qu'il pouvait y avoir globales sur les livres Star Wars, il était plutôt pas mal noté. Apparemment, Lucerno est plutôt un auteur qui est plutôt pas mal dans l'univers de. De ce que je regardais, il a apparemment écrit que sur les Star Wars. Oui. Alors que moi, Oui, il a écrit d'autres choses, mais il est très spécialisé. Le tien, il a écrit sur beaucoup de fanfiction. Beaucoup de fanfiction, en fait, sur effectivement l'univers de Alien. Sur Alien. J'en ai vu d'autres. Oui, mais je les ai pas en tête. Mais effectivement, d'adaptation de séries ou de. Il a fait du X-Files, il a fait. Enfin, voilà, c'est. Mais voilà, alors que celui qui a écrit Tarkin, lui, il est vraiment spécialisé dans le Star Wars. Mais je ne sais plus ce qu'on disait du coup. Oui, ils sont à peu près tous notés pareil. Et je réfléchissais à la note que j'allais lui mettre. Je me demandais si je l'avais notée quand je l'avais terminée. Mais je sais que j'attends toujours qu'on ait fait l'émission avant de le noter. Et je vais mettre une note en dessous de la note moyenne, hein, de toute façon. Ah oui. La note moyenne c'est 3,2, donc sera soit 3 soit 3,5, je veux dire, si tu vois, tu mets au-dessus soit tu mets en dessous, tu peux pas sur le vidéo, on peut pas mettre des virgules. Il y a des 0,5, pas récompenser la belle course de Sébastien Vettel. Si, tu peux mettre 3,5. Non c'est 0,05. Du coup, voilà pour le tour. Il est pas mal, hein, mais c'est. Mais en fait, c'est le truc, c'est qu'il y a mieux à lire. Moi, j'ai été déçue doublement. D'abord parce que c'est pas du tout ce que j'attendais, et ensuite parce que effectivement le c'est creux la fin. Ouais, c'est vraiment ce que je retiens, c'est qu'au final, Star Wars, c'est tellement. Moi, j'aime beaucoup Star Wars, même si, dans les faits, par exemple, je suis beaucoup plus un Trekkie qu'un Star Warsien. Et même si mon pseudo était lié à Star Wars pendant très longtemps. Mais quel était donc ce pseudo ? Je ne le dirai pas, c'est un mot de passe. Pas un mot de passe, c'est un pseudo, tu t'en sers pas comme mot de passe. Je m'en sers sur mot de passe, mes comptes en banque et tout, c'est mon pseudo. Voilà. Alors tu veux dire que. Tu as le contrôle à tout, ma chérie. Je trouve que pour le coup, autant, je pense, des livres Star Trek me plairaient beaucoup plus. Parce qu'au final, Star Trek, c'est pas si visuel que ça. Alors que Star Wars, c'est tellement visuel. Même dans les scènes où il n'y a pas de visuel, c'est tellement des univers qui sont décrits que je trouve que par l'écrit, ça passe moins bien. Et d'autant plus dans ces éditions-là où le comble du fanservice, ça aurait été, et pour le coup, ils auraient pu le faire. Mais quand ils te font le premier chapitre, alors c'est pas dans le tien, parce que toi, t'en as pas. Mais dans le mien, t'as le premier truc, c'est le texte déroulant. Mais qu'il te le fasse un petit peu en diagonale. Oui, c'est vrai que dans le tien, quand on l'avait regardé au début, t'as l'impression que c'est le texte déroulant qui est sur l'écran. 5 années standards se sont écoulées depuis que Dark Sidious s'est autoproclamé empereur de la galaxie. La violente guerre des clones n'est plus qu'un lointain souvenir, et Dark Vador, l'apprenti de Sidious, est parvenu à traquer la majorité des Jedi ayant survécu à l'effroyable Ordre 66. On voit le texte qui défile sur l'écran. C'est ça. Oui, alors moi, il y a 25 000 ans, on le voit pas. Et c'est vrai que c'est un peu ce qui manque. Ça manque de. Peut-être l'édition de poche aussi fait ça. Mais je trouve que ça ne. J'irai pas. Alors, j'ai la trilogie Jedi Fou. La croisade noire de Jedi Fou, que je garde pour la lire un jour. Mais je pense que je n'irai pas au-delà de l'univers Star Wars. Je préfère aller lire vraiment, pour le coup, de la science-fiction qui a été écrite en tant que tel. Bah, l'inconvénient des bouquins de l'univers Star Wars, c'est que bah, c'est tout dans le fan-fiction. Ce sont des fan-fictions. C'est-à-dire que c'est vraiment pour les personnes qui sont très, très... Enfin, qui maîtrisent l'univers jusque sur le bout des doigts. Et c'est même au-delà même de la fan-fiction, ce qui est peut-être le cas de certaines légendes, mais dans maintenant le canon officiel, c'est plus que de la fan-fiction, c'est du produit marketing. C'est-à-dire que, clairement, moi, dans Tarkin, il y a des passages où on fait des références à d'autres bouquins, pour que, et j'ai été curieux de me dire, ah, mais ça, peut-être, faudrait que j'aille lire les bouquins. Du coup, il faudrait que tu ailles lire les bouquins. Pour que tu ailles lire les autres bouquins, pour que tu ailles acheter, en fait, les autres bouquins. Donc, mais c'est fait un peu façon avec les gros sabots, et voilà. Mais ça reste, pour moi, c'est des bouquins de fan-fiction, c'est vraiment des trucs où il faut baigner dedans pour vraiment avoir envie de les lire et de les lire tous. Enfin, déjà, en même temps, quand tu vois le nombre de bouquins qu'il y a, c'est... Enfin, quand tu regardes le mien, quand tu l'ouvres, en fait, les premières pages sont consacrées à la chronologie des romans de Star Wars, avec celui que j'ai lu, donc l'objet Jedi, matière noire, qui se passe à moins 25 000 ans. Et ensuite, tu as la liste avec la chronologie, moins 3900 à moins 3500, moins 1100, moins 1020, moins 1000. Tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages comme ça de chronologie de bouquins, qui n'est pas complète, hein, puisque le bouquin a été sorti en 2013. Donc on se doute qu'en 8 ans, il y en a d'autres qui sont sortis. Le tien date de 2016. Oui. Mais il n'a pas toute la liste des bouquins. Non, puis je pense qu'il y a dans la chronologie, il n'y a que la chronologie officielle. Et même pas la chronologie. Je pense que pour lire ces bouquins, il faut vraiment être très très fan de Star Wars, de l'univers Star Wars, et le maîtriser. Et alors le mien, il n'y a pas besoin, je veux dire, à la limite, on n'a pas vu les films. Je sais, il faut savoir qu'il y a des gens qui n'ont pas vu les films de Star Wars. Ça doit exister sur le monde. D'ailleurs, je me demande si tu n'as pas un ami qui ne connaît pas Star Wars. Il me semble que ça avait été évoqué. Ouais, Gus, il me semble qu'il a jamais vu Star Wars. C'est ça. D'ailleurs, je me rappelle, on lui a dit, quoi ? Tu l'as pas vu ? Mais voilà, enfin, je veux dire, il y a des gens qui ne sont pas réceptifs à Star Wars et qui ne le connaissent pas, et ils peuvent lire l'Aube des Jedi sans aucun problème. Oui. Là, pour le coup, il n'y a pas de souci. Oui, ils seront un peu plus emmerdés dans Tarkin. Mais dans les autres, je pense qu'il faut vraiment maîtriser l'univers pour avoir les références. Moi, je sais que tout à l'heure, avant qu'on fasse l'émission, je suis allée réviser Tarkin, sa place dans l'univers Star Wars, ce qu'il a fait, les différents, que ce soit dans les films. Je me suis tapé des trucs parce que, en fait, si t'as pas les références, t'es paumé. Oui, mais oui. Parmi les passages imbitables, c'est des passages effectivement où on t'évoque des faits d'armes ou ce genre de choses. Et ça. Qui sont sans doute des épisodes. Parce que Tarkin, avant d'être Moff, il a été général de la République. Mmh. Je crois que c'est un général. Donc il a été un soldat de la République. Et c'est d'ailleurs. C'est un point qui est intéressant, c'est que les rebelles. Enfin, l'ébauche de rebelles contre qui il va chasser. Enfin, qui va prendre en chasse. Sont en partie des anciens de la République aussi. Donc en fait, de la République, il y a ceux qui sont devenus de l'Empire et ceux qui luttent contre l'Empire. Tout un tas de bonnes idées, mais qui ne sont pas forcément... Mais du coup, pour en venir à ce que je voulais dire, c'est que pour apprécier pleinement ce genre de livre, je pense qu'il faut vraiment être un fan très mordu et très connaisseur de l'univers. Et... Moi, je sais. Alors, je sais que j'ai beau avoir vu les films des deux premières trilogies un certain nombre de fois, j'ai toujours du mal. Enfin voilà, j'ai été obligée de rechercher qui était Tarkin. Tu veux qu'on regarde à nouveau l'épisode 9 ? Il faudrait. On l'a vu qu'une fois. Oui, mais on a passé les 20 dernières minutes à dire ah c'est de la merde. C'est horrible, non. On a passé une heure et demie à dire c'est de la merde. C'est vrai. Dès le message de début sur l'écran, le truc qui défile, où tout de suite il nous spoil sur le fait que c'est le retour de Palpatine. Oui, mais ça on le savait. Mais oui, mais du coup ça perd. Enfin, c'est bon, on va pas faire la critique de Star Wars 9. Mais voilà. Donc pour moi le principe même d'un roman de fanfiction, c'est qu'il faut que tu maîtrises l'univers. Et même si le mien est plus facile à lire. Si tu maîtrises pas l'univers que le tien, ça reste quand même De manière générale, il faut maîtriser l'univers. Donc quand tu es juste amateur et pas professionnel de l'univers, ben, au bout d'un moment, c'est pas à toi que ça s'adresse en fait. Alors, en parlant de personnes qui maîtrisent l'univers Star Wars, alors, on rappelle que vous avez la possibilité, chers auditeurs, si vous le souhaitez, et ça serait pas mal que vous le fassiez de temps en temps. Là, pour le coup, à part les participations qu'on a reçues après la première émission, on n'en a pas eu d'autres. Donc, vous avez la possibilité, en bas des notes du podcast, vous avez un lien vers un formulaire qui vous permet de nous partager un livre sur le thème du prochain ou l'un des thèmes d'ailleurs qui est à l'ordre oui, du puisque jour. Sur les photos, enfin sur la photo qu'on avait partagée de la liste des thèmes, vous avez les 12 thèmes de l'année. C'est ça, que vous retrouvez d'ailleurs en couverture à chaque fois du podcast, donc vous avez et tous vous les thèmes de l'année. Et vous pouvez partager sur des thèmes passés ou à venir, peu importe. Tout à fait. Et alors là, pour le coup, on avait une participante toute désignée. Oui, en même temps, Léa. Quand on choisit comme pseudo Leia Organa, si on ne maîtrise pas l'univers Star Wars, c'est qu'on n'a rien compris. Alors Léa qui nous en a partagé un directement sur le formulaire. Ah, tu as le formulaire sous les yeux ? J'ai le formulaire sous les yeux. Ah, parce que je l'avais gardé sous les yeux justement. Donc il nous a partagé la trilogie corallienne, donc c'est même pas un seul ouvrage, je crois que c'est une trilogie. On indique une trilogie. Et donc c'est un ouvrage de Roger McBride Allen. Et donc elle nous dit que c'est un ouvrage qu'elle a lu dans sa jeunesse et que parmi tous les ouvrages qu'elle a lu sur l'univers Star Wars, c'est le seul entre guillemets qui a laissé une marque. Voilà le résumé, ça se passe là aussi dans l'univers connu hein, de Star Wars. Hein. Han Solo revient sur Corellia, sa planète natale, accompagné de Leia, son épouse. Redis le début, j'ai pas compris. Han Solo. Ah non mais c'est toute la phrase du début que j'avais pas compris. Han Solo revient sur Corellia, sa planète natale, oui, accompagné de Leia, son épouse, et de leurs trois enfants. Ils doivent négocier un traité. Trois de... enfants ? Oui. Ils doivent négocier un traité de commerce, mais la République, en restaurant la liberté, s'est condamnée à respecter la diversité des peuples. Et dans le secteur corélien, la Ligue humaine prépare l'extermination des autres espèces intelligentes. Leia reçoit un message non revendiqué qui menace de détruire les étoiles. Les terroristes ne manquent pas de moyens, ils coupent les communications du secteur corélien avec le reste de l'univers. Mais depuis quand ils ont eu trois enfants, eux ? Mais parce qu'ils ont eu trois enfants dans les autres. Ah, c'est voilà. Légende, c'est pas du c'est officiel. C'est ça, c'est du légende. Alors, ce qui est d'ailleurs intéressant avec le fait qu'ils aient fait la distinction, enfin pour moi, le fait qu'ils fassent la distinction entre le canon et la légende, c'est qu'aussi l'une des problématiques de Star Wars, c'est qu'ayant eu énormément de bouquins, à un moment donné, qui tu respectes ? Si tu veux être cohérent, que tu te lances dans l'écriture d'un bouquin, est-ce que tu vas aller vraiment respecter tous les bouquins ? Il va forcément y avoir des contradictions. Ah, c'est pas possible. Enfin, ça part dans tu vas avoir forcément des bouquins qui sont à l'opposé l'un de l'autre. Donc c'est ce qui est intéressant du coup, c'est que ça permet effectivement d'avoir le canon officiel. Alors il faudrait qu'il y ait une biographie officielle. Biographie. Mais ça te permet effectivement de t'appuyer sur les bouquins officiels. Par exemple, tu parlais tout à l'heure des Grand Moff. Bon bah Tarkin, c'est le premier Grand Moff dans l'univers officiel. Mais si tu cherches sur Internet, tu as aussi l'univers non officiel où Tarkin n'est pas le premier Grand Moff, où l'histoire des Grand Moff est différente. D'accord. Mais du coup, en fait, cette distinction, elle permet aussi de libérer la créativité des autres, puisque bah, maintenant, tu peux très tu bien faire une œuvre légende. Tu peux juste faire une œuvre qui s'inspire de l'univers, mais qui ne respecte pas... Et sans respecter les autres légendes, puisque tu n'es pas obligé d'essayer d'avoir une quelconque cohérence. Oui, parce que à cet du univers. Coup, dans les légendes, ils sont tous différents. Au bout d'un moment, il n'y a pas forcément une homogénéité de l'univers légende. Tout à fait. Et alors, Leia, ça c'est un partage que nous avons fait au mois de janvier. Oui. Mais elle a participé au challenge en même temps que nous. Donc du coup, voilà, elle a repris le challenge et elle a lu donc au mois de mai Les Enfants du Jeudi. Décidément, le jeudi est très à la mode. Oui. Un ouvrage rédigé par une femme, Barbara Humbly. Voilà. Alors elle t'a mis la première et la dernière phrase. Oui, je m'en souviens, mais c'est toi qui as retrouvé les tweets. Alors, première phrase, les cieux lourds d'acide déversaient des trombes de pluie empoisonnées. Ouh, c'est pas cool ça. J'espère qu'elle a pris son parapluie. Dernière phrase, Luke et Calista, main dans la main, se levèrent et allèrent rejoindre leurs amis. Tu veux dire que Luke, il a eu une petite amie ? Alors, ça se passe en l'an 12. Mmh. Donc l'an 12 après la bataille de Yavin. Alors, elle nous a mis le résumé. L'aventure est éternelle. La princesse Leia, Han Solo, ça me fait toujours bizarre de voir Yann Solo. Han Solo. Non, mais Schumacher. C'est parce que on est trop con pour comprendre que Han, ça peut être un prénom. Tout à fait. Quand ils font les traductions, c'est ridicule. Alors que Jordi, c'est Houphé et Renulf, c'est mieux. Tout à fait. La princesse Leia, Han Solo et Chewbacca partent sur la planète Belsavis, dont nul n'est jamais revenu vivant, pour y chercher les enfants du jeudi. À l'autre bout de la galaxie, parce qu'à l'époque, c'était encore le jeudi où on faisait l'école. À l'autre bout de la galaxie. Le jeudi, c'était le mercredi d'aujourd'hui. C'est-à-dire, les enfants, voilà, ils n'avaient pas l'école. Sinon, on s'arrêtait les enfants du mercredi. À l'autre bout de la galaxie, Luke Skywalker s'introduit à bord de l'œil de Palpatine, un cuirassé automatique programmé pour anéantir Belsavis. Pour enrayer la diabolique intelligence artificielle, Luke a besoin de l'aide de Callista, qui a jadis donné sa vie pour mettre le vaisseau hors d'état de nuire et dont l'esprit survit dans l'ordinateur de bord. Oh, c'est beau ça! Le mystère de la planète, les pouvoirs du cuirassé, la passion naissante entre Luke et Callista conduisent à un vrai feu d'artifice. Ah, du coup, le fait qu'il la tienne par la main à la fin, c'est intriguant du coup, parce que si elle vit juste dans l'esprit de l'ordinateur, oui. Bon, alors après, visiblement, elle n'a pas gardé un bon souvenir, mais ça nous dit « Livre choisi pour son titre, trompeur, et dont la lecture fut laborieuse. Pourtant, bon public, dit-elle entre guillemets, et acquise à l'univers au départ, je n'ai malheureusement pas du tout été accroché par cette lecture, même si le dernier tiers était plus mieux que le reste. » Donc merci Léa pour tes contributions sur l'univers Star Wars. Oui. Et voilà, Bibiche, on aura quand même fait 1h22. Oui, finalement, on a eu beaucoup à dire sur l'univers Star Wars. Aura-t-on autant à dire au mois de juin ? Je ne sais pas. Ça va dépendre des livres qu'on va lire parce qu'en fait, pour le coup, on part complètement dans l'inconnu au niveau des thèmes, de la thématique, puisque le thème du mois de juin, c'est un roman qui parle de cannabis. Oui, ça, c'est le mois de juin. Tout à fait. Voilà. On est drôle, hein. Et tu peux le refaire plus fort parce que j'ai peur que ça passe pas au montage. Voilà. Et c'est vraiment, on est parti. Alors déjà, on a eu du mal à trouver des livres. Enfin, quand tu tapes livre cannabis sur Internet, déjà tu te fais mal voir. Ça, t'es grillé à vie au niveau de tes recherches sur Google. Et en fait, tu tombes sur beaucoup de livres scientifiques qui vont te parler des effets du cannabis. Ouais, c'est ça, ou de témoignages. De témoignages. Et bien moi, on avait mis roman sur cannabis. Oui, un roman sur le cannabis, qui parle du cannabis. Et alors, en plus, je veux dire, c'est le genre de roman où, en fait, des fois, tu vas lire un roman, il n'y aura pas le tag cannabis, mais ça va en faire partie parce qu'à un moment, les héros, ils vont fumer des joints et puis... En même temps, on a mis cannabis, c'est pas... Oui, c'est vraiment le cannabis. Hein, tu mets drogue, t'as beaucoup plus de choix, je trouve. T'as beaucoup plus, c'est beaucoup plus ouvert sur tous les types de drogues. Mais alors là, pour le cannabis, on a eu du mal. En fait, on avait trouvé tous les deux le même livre. Et en fait, c'est moi qui l'ai acheté en premier. Oui. C'est moi qui vais le lire. Connaisse. T'as dû te rabattre sur un autre livre. Bon, en fait, je crois qu'on avait une liste de 5 livres. On a fait les mêmes recherches. Oui, on a fini par une livre de par 5 titres. Et ça a vraiment été du pile ou face pour savoir lesquels on allait prendre. Donc ça, ce sera au mois de juin. Oui. On peut rappeler à nos auditeurs que nous sommes disponibles sur Apple Podcast. Je te laisse faire les rappels. Sur PodCloud, sur toutes les bonnes plateformes de podcast que vous aimez. Hein. Donc je crois qu'on est sur Spotify, sur Deezer, sur 11h et 12h30. On est aussi... J'adore cette vanne. Elle est très nulle, mais j'adore. On est aussi un peu partout, on va dire. On vous rappelle que si vous voulez mettre une note... on va inverser. Si vous voulez participer au Challenge Lecture 2022 en nous suggérant des catégories, pour cela, c'est très simple. Vous allez sur Apple Podcast ou sur Podcast Addict. Peut-être directement sur le lien du podcast. Non, on ne peut pas mettre de commentaires. Il faut que les gens utilisent Podcast Addict. Ah, d'accord. Donc, si vous utilisez Podcast Addict, vous pouvez mettre un commentaire en mettant 5 étoiles, évidemment. Tant qu'à faire. Ou 4,5. Éventuellement, on acceptera, mais ça sera... En dessous, c'est pas possible. Vous pouvez mettre 4,5. On est conscient qu'il n'y a pas eu beaucoup de chats dans cette émission. Voilà. Et donc, nous mettre un commentaire sur l'émission et nous faire une suggestion de catégorie. Et pareil sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi le faire sur nos différents comptes Twitter. Non, il faut que les gens y mettent des étoiles. Ah oui, oui. Mais s'ils ont déjà mis des étoiles, ils ne peuvent pas voter une deuxième fois. Oui, alors la personne qui a mis un commentaire sur iTunes peut nous faire une proposition. Mais tu sais très bien ce qu'elle va proposer, tu ne vas pas vouloir. De quoi ? Je t'en reparlerai après l'émission, femme. Tu veux dire de la personne au Mexique ? Non, la personne au Mexique, elle a proposé un livre pour le mois de septembre. La personne en Belgique. Ah, la personne en Belgique, oui, ah, ah oui, oui. Mais c'est pas un thème de livre. Oui, mais ça fait partie du, ça fait partie du défi. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, c'est le début d'une crise de couple. On va vous épargner ça. On vous remercie de votre écoute. Oui, merci de nous écouter. On vous dit au mois prochain. Oui. Ce qui est déjà demain. Enfin, après-demain. Non, après-demain. On est le 30. Et donc, du coup, passez un joli mois de juin à vous. Déconfinez-vous bien. Et bonne fête à toutes les mamans aujourd'hui. Ouais, bonne fête, maman. Et du coup, le mot de la fin, Bibiche. Ce sera financier.